Samedi 9 février, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite des excavations à savoir de la Haute-Côte-Nord au complexe sportif du secteur de Dolbeau. Prix du billet seulement 8 $. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Soyez le 7e joueur. Go Multi, go! On va parler de soccer avec notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saint-Lac-Saint-Jean. Salut Benoît! Salut Dan, Radio Sport. Benoît, on va parler d'abord de l'impact qui est en... écoute, on s'est-tu parlé depuis que Kevin Gilmour... Je pense qu'on ne s'est pas parlé depuis que Kevin Gilmour a été nommé président de l'impact. Comment tu as trouvé ça? Ben écoute, premièrement, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, parce qu'on connaît qu'est-ce que Joey Saputo va se retirer un peu. C'est ça le plan, là, c'est d'amener de la fraîcheur, d'amener quelqu'un au niveau marketing, au niveau... d'avoir des visions professionnelles. Le parcours de M. Gilmour est très intéressant. Il faut rappeler que c'est quand même un gars d'Arvida, un gars de notre région, hein, qui est originaire de la région. C'est quand même très intéressant de voir ça. Peut-être qu'en ayant une origine régionale, ça va amener l'impact à pas juste penser Montréal, mais à grandeur du Québec. Et comme je te dis en entrée de jeu tantôt, on parlait en toi et moi, et pourquoi que l'impact... ce serait peut-être le temps de penser à prendre ces anciens joueurs et à faire des tournées dans les régions avec les anciens de l'Impact, comme les anciens Canadiens, les anciens... T'as déjà parlé, toi, de la caravane des Expos, mais pourquoi pas créer les anciens de l'Impact avec un gars comme Camara, avec Bernier, pas toutes les semaines, mais quelques matchs, quelques rendez-vous bien ciblés dans des places intéressantes, avec des gens intéressés. En tout cas, moi, Benoît Lavoie d'Espace Soccer, Dani, je serais très intéressé à travailler, à monter un genre de match de ce genre-là, avec ici dans la région, là. Fait que le message est lancé, avis à l'Impact, de faire une tournée provinciale. Peut-être que M. Gilmour, qui est originaire des régions, pourrait nous aider à ça. Ça serait peut-être bon que... Faut bien se rendre à Kevin Gilmour. Ça fait 2 semaines qu'il essaie d'avoir une entrevue avec. Oui, se rendre à lui, hein? Non, je sais, mais comme je te dis, Assun Camara a lancé un livre dernièrement. Peut-être que tu pourras passer par comme ça. On aura des liens comme ça, avec des gens comme ça, parce que ce serait intéressant de voir ce que M. Camara a écrit dans son livre aussi. Oui, effectivement. Cette semaine... Ben, c'est plus positif, Danny. Ouais. C'est plus positif de voir arriver un gars comme ça. Puis M. Saputo, veut pas, ça va pas très bien avec son club en Italie, à Bologne. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il hein? Tu sais que, je sais pas si t'as vu passer les YouTube à un moment donné. Oui, j'ai vu ça. Très mécontent, là. Le club est peut-être en relégation là, présentement. Là. Ça veut dire que ça va pas très bien avec le FC Bologne. Et je pense que peut-être qu'il va mettre un petit peu plus d'intérêt à ce championnat-là là, en Italie et laisser à d'autres personnes s'occuper de l'Impact un petit peu, qui ont de l'intérêt pour l'Impact de Montréal. Puis encore là, Dani, et le club de l'avenir un peu chez au niveau professionnel à Montréal aussi. Là. Ben, moi je le dis, t'as-tu vu, c'est passé cette semaine que la MLS est rendue, fait partie des plus grandes puissances. T'as-tu vu ça passer? Non. La MLS est rendue une puissance au niveau financier dans le monde du soccer. Ça rappelle pas Danny, quand on a jasé avec Marc Dos Santos, qui était rendu entraîneur de Vancouver, il nous l'avait dit que lui mettait la MLS dans les 5-6 gros championnats, là, tu sais, en arrière des gros en Europe. Là. Donc, il y a des gens qui ont des sous, là, qui investissent, veut pas. Là. Il va falloir qu'on l'impact suive tout à l'heure aussi. Ben effectivement. Puis moi, ce que j'ai aimé de la conférence de presse de Kevin Gilmour, c'est que t'as arrêté de penser qu'on est petit. Par contre, je disais à Martin Leclerc qui disait l'autre jour que c'est pas gagné encore, là, parce qu'à quelque part, il y a une culture de petit chez l'Impact. Là. Je trouve ça de valeur. En tout cas, à voir pour la saison de l'Impact, il y a quand même... Danny, je ne sais pas si tu voulais parler un petit peu d'actualité de l'Impact à M. Gilmour. Écoute, on a joué 2 matchs hors concours, on a une victoire cette semaine contre l'équipe qui va entrer l'an prochain, l'équipe Cincinnati. Oui, la première victoire contre Cincinnati, et là, on a gagné contre Nashville cette semaine, une victoire de 2-0. Nashville, il faut rappeler, Danny, qu'ils vont embarquer dans la Ligue l'an prochain. Présentement, on est revenu à Montréal. On a présenté hier à Danny le nouveau maillot de l'Impact, le nouveau maillot à domicile, qui est très beau en passant. Il me fait penser un peu au maillot de l'Inter de Milan dans certaines années. On sait que les couleurs du bleu et noir, ça ressemble aux couleurs de l'Inter de Milan en Italie. Je trouve qu'il a une ressemblance là, assez frappante avec les lignes. Là. Alors, mais je trouve que le maillot est très intéressant. Ça me fait rappeler, moi, dans mon équipe senior à Saint-Bruno, on a eu un maillot exact qui ressemblait beaucoup à ça dans les années 85-90. En tout cas, intéressant à voir ce maillot-là. Je pense que des partisans vont se le procurer, mais pour que les gens se procurent ce maillot-là, ça prend une équipe qui performe sur le terrain. Effectivement, effectivement. On va y aller maintenant avec, la Ligue des champions qui a lieu cette semaine. Donc, la Ligue des champions qui recommence. Je pense qu'il y a un duel choc cette semaine également. Huitième de finale, Daniel. Ouais. Des beaux matchs relevés. Je me suis abonné à Dazen Sports et puis des matchs sont présentés cette semaine. Quand tu regardes, tout d'abord, les matchs seront mardi, mercredi à 15h. De la AS Roma contre le Porto, qui devrait être c'est le match aller. Et le match à surveiller mardi sera le Manchester United et le Paris Saint-Germain. Présentement, Neymar est blessé. Manchester United sont en montée. On mène 2-0 aujourd'hui en championnat. Il faut rappeler Paul Pogba. On va se rappeler que Pogba qui a gagné avec la Coupe du Monde avec la France. Mourinho, l'entraîneur qui a été licencié par Manchester, ça n'allait pas bien. Mm-hmm. Et depuis que Mourinho est parti. C'est incroyable que Manchester United, comment ils sont forts. Il mettait Pogba sur le banc, Dani. Et depuis ce temps-là, Pogba marque des buts à tous les matchs. Encore aujourd'hui, il a marqué. Il est même rendu dans les 7 buts marqueurs de la Première Ligue. Alors, depuis ce temps-là, ça ne fonctionnait pas du tout entre entre l'entraîneur et Paul Pogba. Et depuis ce temps-là, ça va bien. Donc, ça va être très intéressant de voir le Manchester et le PSG cette semaine. Pour rappeler que le PSG a subi la défaite la semaine dernière, la première défaite du championnat contre l'Olympique de Lyon, une défaite de 2-1. Dans les autres matchs, mardi, Tottenham, ça devrait être intéressant avec Dortmund, Borussia Dortmund en Allemagne. Tottenham avec Kane, ça devrait être très intéressant à voir. T'as l'Ajax Amsterdam et le Real Madrid qui s'affrontent mardi aussi. Un match aller pour commencer. Le Real est bien sûr favori, mais le Real remonte tranquillement dans le championnat. Alors, on en parlera tout à l'heure sur le match de Barcelone. Et mardi encore, ça c'est mercredi les matchs. Mardi, on a l'Olympique de Lyon-Barcelone. Est-ce que Lyon pourra causer la surprise avec Barcelone? Messi est en feu, pour le rappeler. Ça va être très intéressant de voir ça. Est-ce que Lyon sera capable de causer une deuxième surprise? Parce que veut pas battre le Paris Saint-Germain en championnat français. C'est quand même une surprise aussi. Mais Barcelone est en première position en Espagne. Ça va être très difficile d'aller jouer. On a deux gros rendez-vous, Dani, mardi. Liverpool-Bayern. Liverpool est en tête en Angleterre. Bayern a de la difficulté. Deuxième en Allemagne cette année, ça fait dur un peu. Mais ça va être un beau duel de choc, ça. Le match aller à Liverpool. Et l'autre, les deux autres matchs qui restent, Atlético Madrid-Juventus, ça c'est un gros duel de choc. Ça, le match est mercredi. Okay. Atlético qui est troisième. On sait que la finale de la Ligue des champions d'Amérique cette année sera au stade de l'Atlético, le Wanda Metropolitano. On est allé le visiter l'an passé avec mes élèves de l'école Camille Lavoie, donc ça va être intéressant. Et la Juventus, le retour de Ronaldo à Madrid, pas contre le Real, mais contre l'Atlético, l'équipe qui... Et on sait qu'en fin de semaine, aujourd'hui, Dani, samedi, l'Atlético joue contre le Real en championnat, ça va être un gros match aujourd'hui. Et le dernier, huitième de finale, Schalke, un club allemand contre Man City, Manchester City, qui est présentement en deuxième position. Ça devrait être un beau rendez-vous aussi. Donc, de beaux rendez-vous de huitième de finale. Et les matchs retour auront lieu le 5 mars, le 5 et le 12 mars prochain. Donc, à surveiller, là, à RDS. Je ne sais pas si RDS présente. Ouais, mais tu l'as sur DAZN, tu l'as sur le net aussi. Ouais, c'est ça. Présentement, le net est en train de prendre la place. Là. OK, OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chose à ajouter dans les championnats européens? Ben, si on peut faire un petit tour de table, ouais, rapidement, là. En Ligue anglaise, je te disais que Liverpool est en tête, mais présentement, c'est Manchester City qui a un match de plus. On est égal avec 62 points. Est-ce que Liverpool a un match à rattraper? Donc, ils vont jouer en fin de semaine. Tottenham est troisième. Chelsea est quatrième. On sait qu'en Angleterre, on regarde beaucoup là, les quatre premières positions qui ont un accès à la Ligue des champions l'an prochain. Il y a le Manchester United, tranquillement, pas vite, est en train de remonter avec Arsenal, qui est sixième. Donc, en Angleterre, ça va être intéressant de voir ça. Au niveau des statistiques, c'est Mohamed Salah, meilleur marqueur présentement, avec 16 buts avec Liverpool devant Pierre-Emerick Aubameyang d'Arsenal. Donc, et Harry Kane est troisième. Donc, intéressant à suivre. D'excellents joueurs en Angleterre, on sait très bien. Si on s'en va en Liga espagnole, bien, c'est Barcelone qui mène la barre, qui mène le championnat avec 50 points. 15 victoires, 6 points d'avance à Atlético Madrid, et le Real est troisième. Donc, et aujourd'hui, on a un duel de fait entre Atlético et Real. Ça va être intéressant de voir ça. Au niveau des stats, meilleur marqueur, Lionel Messi, qui a une saison de feu d'année, 21 buts, et devant son compagnon de l'attaque, Luis Suarez, avec 15 réalisations aussi. Lionel Messi est le meilleur passeur aussi. Donc, 21 buts plus 10, il se retrouve avec 31, là, buts et passes ensemble. Donc, grosse saison pour Lionel Messi cette année. Donc, intéressant. À suivre aussi la Ligue. On sait que Dani, dans chaque championnat européen, et même en Amérique du Sud aussi, même avec la MLS, quand au Canada, on a la Coupe Canada, là, la Coupe Amway. Ouais. En Europe, on a la Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi, la Coupe de France. On a en Angleterre la Coupe aussi. On en a en Argentine, au Brésil. Et présentement, Barcelone et Real Madrid s'affrontent en demi-finale. Ça s'est fini 1-1 dans le match aller cette semaine. Le match retour dans 2 semaines. Si on s'en va maintenant en Italie, c'est la Juventus qui domine le championnat vraiment là, avec Ronaldo et puis Dybala qui est un meneur de jeu aussi là, en milieu de terrain. On a 11 points d'avance sur le club de Napoli. Donc, une grosse saison pour le Juventus. On sait qu'ils ont quand même 5 ou 6 championnats consécutifs. Au niveau des marqueurs, c'est Ronaldo qui a pris la première position avec 17 réalisations. Donc, il mène le championnat aussi. Si tu veux t'en aller un petit peu en Bundesliga, c'est Danny, j'ai perdu mon lien un petit peu. C'est le club du Borussia Dortmund qui est en première position devant... En deuxième position, le Bayern qui tire la patte un peu cette saison. On sait que Ribéry et Robben sont comme en fin de parcours avec le Bayern. Est-ce que ce sont des joueurs qui vont se retrouver à MLS? Ce serait intéressant de les voir arriver à MLS en fin de saison. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils voient comme fin de carrière, ces deux gros noms-là de la planète foot. Ils ont dominé le soccer international depuis une dizaine d'années quand même. Franck Ribéry et Arjen Robben. Donc, à voir leur fin de parcours. Et pour terminer en championnat de France, et bien premièrement, c'est le PSG qui a vraiment une grosse longueur d'avance sur l'Olympique de Lyon en deuxième position. Il faut rappeler que c'est Mbappé qui est le meilleur marqueur. Et ils ont subi la première défaite cette semaine contre l'Olympique de Lyon, à voir la Ligue des Champions cette semaine dernière. Donc, ça fait le tour des 5 championnats là, qu'on considère les gros championnats là, en Europe. OK. Hey, Benoît, as-tu vu ce que je t'ai envoyé, qu'il y aurait une concession qui pourrait se faire de la première chip? Parce qu'on sait que c'est cette année, là, la Ligue canadienne de soccer, ça va arriver. Là. Tu veux ça? Ouais, une équipe à Montréal, as-tu vu ça? Ben oui, c'est sûr que ça va être comme la division 2 en bas de la MLS. Ben l'Impact, j'espère que l'Impact va s'associer avec eux autres. Ben ce serait intéressant de voir ça aussi, puis pourquoi pas non plus s'enligner vers une ville comme Québec. Montréal, Québec, ben oui. Il y a un club à Québec depuis 2-3 ans dans la première ligue de soccer au Québec, mais c'est du semi-pro, c'est division 3 si tu veux, c'est du semi-pro. On essaie de monter le marketing à ce niveau-là, il y a des joueurs qui sont payés dans cette ligue-là. Est-ce qu'on pourra avoir une équipe à Québec d'une division supérieure? J'espère que oui. Il n'y a pas juste Montréal, là. Il peut y avoir Trois-Rivières. On a déjà eu l'attaque à Trois-Rivières. Est-ce qu'il y a un projet dans ces villes-là aussi? Donc, à voir le développement futur de tout ça. Mais on va espérer de voir arriver ça un jour, une équipe à Québec semi-pro, ben, professionnelle en tout cas. Effectivement. Benoît, gros merci. On s'en reparle dans 2 semaines. Yes, salut dans le radio. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean.